C'est toujours la radio Isanganiro que vous écoutez maintenant depuis Bujumbura, la capitale burundaise. Bonsoir et bienvenue à ce dernier journal en français, mais tout d'abord les principales articulations. Après la publication des résultats provisoires du scrutin référendaire du 17 mai courant, les différents partis politiques divergent. Le parti Frodebo et Rohanak mettent en cause cette élection, qu'elle a été entachée d'irrégularités, mais le parti au pouvoir, CNDD-FDD, se félicite et félicite le peuple burundais pour son vote favorable à la constitution amendée. Non seulement le parti présidentiel qui apprécie le déroulement de ce scrutin, mais aussi l'ombudsman. Vous aurez les détails. L'Union parlementaire africaine soutient une levée des sanctions économiques prises contre le Burundi. Le président de cette institution panafricaine, Cipriano Kassama, l'a indiqué ce mardi lors de l'ouverture de la 72e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui se tient à Bujumbura. Et les agriculteurs des provinces Gitega et Ruyigi se lamentent pour avoir enregistré une mauvaise récolte de riz. Ils suspectent la mauvaise qualité de semences à l'origine de cette récolte qui n'est pas fameuse. À Gitega, c'est le testament du prêtre qui a été retrouvé mort dans sa chambre suite à un suicide. Dans son testament, il attribue tous ses avoirs à deux orphelins dont il était tuteur. Voilà pour les grands titres. A tout de suite pour le développement de ces titres dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitewuti, présentation Edini Bel-Nibikir. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page sécurité, pour débuter ce journal, une lettre testamentaire a été trouvée dans le bureau d'un prêtre qui s'est suicidé ce lundi dans l'après-midi dans la commune et province de Gitega. Ses proches indiquent qu'il lègue tous ses avoirs à deux orphelins de sa famille dont il était tuteur. Le vicaire général à l'archidiocèse de Gitega souligne qu'un communiqué annonçant son enterrement pour vendredi a été rédigé et que pour la suite, il faut attendre la fin des enquêtes. De Gitega, Arthur Kavabouche. Après avoir connu que l'abbé Nyoyitung Yekarito s'est suicidé à l'aide du poison ce lundi dans l'après-midi, quand il s'était enfermé dans son bureau, les informations en provenance de ses proches indiquent que l'OPJ a fouillé dans son bureau secondaire, se trouvant là où il habitait. Parmi les documents trouvés là-bas, il y a deux lettres. L'une destinée à deux filles, donc Kwizerimana, Pascaline et Soazis, dont on a su par après, et sont de sa famille, et sont toutes deux orphelines qui l'aidaient. C'était une lettre testamentaire. La deuxième lettre était adressée au gérant de la base commerciale de Bujumbura à Gitega, où il lui demande de donner tout l'argent se trouvant sur son compte aux deux jeunes filles, et tout en indiquant qu'il s'est ôté la vie parce qu'il s'est senti fatigué par le monde. À la police, ils font savoir que les enquêtes sont en cours et que ce qu'il lègue à ses deux filles est composé de beaucoup de choses comme il a lui-même écrit. Nyoyitung Yekarito était âgé de 39 ans et sera enterré ce vendredi selon le vicaire général de l'archevêque de la diocèse de Gitega, tout en soulignant qu'il va préparer un communiqué de décès. Il a indiqué qu'ils s'exprimeront après l'enquête. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabouchi. Page politique à présent, le parti Sawanya Frodebo considère comme un non-événement les résultats du référendum constitutionnel. Le vice-président de son parti dit que cette nouvelle constitution est un recul de la démocratie au Burundi. Pour Léon Singenakumana, la lutte pour l'instauration de la démocratie au Burundi continue et déplore que ceux qui ont enseigné le vote du non sont aujourd'hui sous la persécution. On l'écoute. La campagne de ce référendum a été entachée de nombreuses irrégularités, des cas de violence physique et verbale, des cas de torture morale des gens, des cas de fraude, de telle sorte que les résultats de ce référendum devraient être annulés. Pour nous, ce qui nous intéresse au niveau du parti Sawanya Frodebo, C'est le combat que nous sommes en train de mener depuis les années 90. C'est le combat pour l'instauration d'un état de droit au Burundi, le combat pour instaurer un état démocratique au Burundi, le combat d'instaurer une société juste et équitable au Burundi. Et nous sommes sur cette voie. Nous avons connu énormément de difficultés, des coups d'État, à la même aux assassinats des chefs d'État, au renversement des chefs d'État. Nous allons gérer les résultats de ce référendum comme nous avons géré toutes ces crises. Nous considérons ce référendum comme aussi un obstacle à la réalisation de notre idéal. Ça signifie que le Frodebu prend acte de la victoire du oui, qu'une nouvelle constitution est votée. Vous considérez ça comme une victoire, la négation de l'accord d'Arusha et de la constitution avec tous les avantages que Dieu vient de citer. Vous considérez ça comme une victoire avec des gens qui sont en train d'être traumatisés aujourd'hui au moment où je vous parle. Certains de nos militants dans les provinces de Burundi, dans les provinces de Rumonge, un peu partout, ils sont séquestrés, ils ont fui leur foyer, ils vivent en insécurité généralisée. Nous sommes en train de mener des contacts avec les responsables administratifs. Et nous avons même appris qu'au niveau de la misère à Burundi, il y a eu même des morts. Vous considérez ça comme une victoire pour le peuple burundais? Pour le Frodebu, ce n'est pas une victoire, c'est un recul sur la voie de la démocratie. Mais nous en appelons aux militants du parti Savanya Frodebu et au peuple burundais de rester serein, de rester unis et solidaires pour continuer le combat jusqu'à l'instauration d'une société juste et équitable au Burundi. Même c'est la même chose au sein du parti RANA. Quel récent vote du oui ou du non au référendum constitutionnel n'a pas du tout été transparent ni équitable selon le parti Rassemblement National pour le changement. Le secrétaire et porte-parole de ce parti fait savoir que ce vote a été maillé d'irrégularités. C'est après que la CENI ait publié les résultats provisoires de ce scrutin. Dans une conférence de presse de ce mardi, David Nikiza souligne que son parti a peur que ces irrégularités aient des conséquences fâcheuses sur les échéances électorales de 2020. Suivez-le. Le RANAC est beaucoup plus préoccupé par les irrégularités qui ont entaché le processus référendaire à la fois pendant la campagne électorale et au moment du scrutin. Et parmi ceux-ci se trouvent des violences verbales qui se sont manifestées pendant la campagne. Il y a aussi les violences physiques qui se sont reportées de gauche à droite. Il y a aussi, au moment du scrutin, la non-transparence et au niveau du comptage des voix exprimées. Il y a aussi l'absence signifiante des observateurs, tant national qu'international. Il a été observé aussi que même les partis politiques qui participaient pour la promotion du non, certains de ces mandataires se sont vus faire sortir des bureaux de vote. Le RANAC a peur, et profondément, ça il faut souligner, que ces inégalités se reproduiront au cours des élections prochaines. Nous tenons aussi à rappeler que chaque fois que les élections qui ne sont pas rassurantes provoquent des sources de tension par excellence. Contrairement à ces partis de l'opposition, le parti au pouvoir CNDD-FDD félicite le peuple burundais pour avoir voté en faveur de la constitution amendée. Dans un point de presse de ce mardi, le secrétaire général de ce parti, Evariste Ndayishimiye, a précisé que ce vote a marqué une avancée de la démocratie au Burundi. Il salue en outre le déroulement de la campagne référendaire. Je vous prie de l'écouter. Au nom de tous les Bagumnyawanga du parti CNDD-FDD, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de féliciter le peuple burundais pour leur choix avisé et éclairé en votant massivement et paisiblement la nouvelle constitution avec un taux de participation plus que satisfaisant. La date du 17 mai vient d'entrer dans l'histoire du Burundi comme une date mémorable pour les Bagumnyawanga et les Burundais en général. Cette étape marque un tournant décisif où les Burundais viennent de tracer une voie claire et propre pour un avenir radieux. La victoire du oui ne saurait être pour tel ou tel autre parti politique. Le oui gagnant marque la victoire du peuple burundais dans son entièreté. Il m'est donc plaisant de féliciter et remercier ce peuple brave et déterminé qui s'est levé de bonheur pour répondre à son rendez-vous national dans la sérénité, le calme, la liberté et le respect mutuel. C'est un signe éloquent qui révèle une fois de plus que la démocratie est bien ancrée dans notre pays. Et l'institution de l'Ombudsman salue le fait que les différents acteurs politiques ont été autorisés de battre campagne pour le référendum, une activité qui est conduite uniquement par le gouvernement. Cela ressort d'une déclaration sortie ce mardi par cette institution via son porte-parole Jomaro Kumbi. Ce dernier se réjouit de l'exclusivité qui a caractérisé la campagne et le scrutin référendaire du 17 mai 2018. Et l'institution de l'Ombudsman exhorte les partis politiques qui ont pris part à ce scrutin de prendre acte de ce verdict et à tout le peuple burundais de rester unis et serein. Suivez Djuma Rukumbi, il est porte-parole de l'institution de l'Ombudsman. L'institution de l'Ombudsman salue le fait de permettre aux acteurs politiques de battre campagne pour un référendum. C'est une première, non seulement au Burundi, mais dans la région. En effet, il est d'habitude que cette activité soit conduite uniquement par les gouvernements. La campagne référendaire s'est déroulée dans la paix et la sécurité sur tout le territoire national. L'institution de l'Ombudsman se réjouit de l'inclusivité qui a caractérisé la campagne référendaire et le scrutin du 17 mai 2018. En effet, 26 partis politiques ainsi que la coalition Amis Zéro Yabarundi ont pris part à la campagne et ont déployé leurs mandataires lors du scrutin, ainsi que d'autres observateurs dont la société civile. L'institution de l'Ombudsman exhorte les partis qui ont pris part à ce scrutin de prendre acte de ce verdict. Elle les invite à tenir compte de ces résultats pour orienter leurs efforts pacifiquement en vue des prochaines échéances électorales. Au vu du climat qui a régné, l'institution de l'Ombudsman appelle les leaders politiques en exil à rentrer au pays pour se préparer aux élections de 2020. Au lendemain de cette consultation, l'institution de l'Ombudsman demande à tout le peuple burundais de rester uni et serein, que les résultats de l'élection n'affectent en rien les relations qu'ils entretenaient dans leur vie sociale. D'autres critiques de ce scrutin proviennent des États-Unis. Ce pays se dit préoccupé par le référendum du 17 mai au Burundi, qui, disant qu'il a été entaché d'irrégularités, le manque de transparence et les tentatives de pression sur les électeurs. Dans une déclaration sortie ce lundi 21 mai 2018, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de ce pays regrette que même si le gouvernement a autorisé de vigoureuses campagnes d'opposition, de nombreux cas d'harcèlement et de répression d'opposants référendaires ont été observés. Les États-Unis poursuivent leur déclaration disant que le récent scrutin référendaire a été caractérisé par l'absence d'observateurs indépendants. Et la Commission nationale électorale indépendante se dit satisfaite du déroulement des élections. Lors de la présentation des résultats, le président de la CENI, Pierre Claver-Ndayishimiye, a indiqué que s'il arrive qu'il y ait des gens qui critiquent le processus, ce sera parce qu'il a bien réussi et selon lui, c'est un véritable succès. Suivez-le. Dans toutes les activités liées à la préparation du référendum, la mobilisation et la sensibilisation de la population ont été sans faille. Les forces de l'ordre ont été des acteurs clés dans la sécurisation du référendum. La police nationale du Burundi et la force de défense nationale avaient déployé des éléments dans les coins les plus reculés du pays. Permettez-moi de féliciter les partis politiques et les indépendants engagés dans la campagne électorale du 1er au 14 mai 2018. Ici, je parle des 26 partis et des indépendants Amis Zéro Yabarundi qui se sont enregistrés au siège de la Commission électorale nationale pour battre campagne. Dans l'ensemble, la campagne électorale a respecté la loi. Elle a été soutenue démocratiquement par la synergie des médias. Si aujourd'hui ou demain, quelques leaders politiques nationaux ou partenaires étrangers critiquent le référendum de mai, il faudra plutôt comprendre que ce processus est critiqué parce qu'il a été un véritable succès sur les plans organisationnels, politiques et démocratiques. Aucun partenaire politique n'a saisi la CENI sur un quelconque manquement à ce sujet. Pierre Claver-Ndayishimiye, il est président de la CENI. Après une courte pause, on parle de la diplomatie. Le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA, en sigle, compte plaider pour la levée des sanctions économiques prises contre le Burundi. Le député guinéen Bissau Cipriano Kassama, qui est à la fois président de l'Assemblée nationale de ce pays, l'a dit ce mardi. C'était lors de l'ouverture de la 72e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, qui va être abrité par Bujumbura durant 2 jours. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga, qui a suivi de près l'ouverture de cette session. C'est le député Pascal Nyabenda, à la fois président de l'Assemblée nationale burundaise, qui a prononcé le discours d'accueil des délégations qui ont répondu présents à cette 72e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Il est revenu sur le pas franchi par le Burundi dans la consolidation de la démocratie. Malgré les sanctions contre le Burundi, le député Pascal Nyabenda salue le fait que le Burundi n'a cessé d'organiser les élections, celles du récent référendum y compris. C'est aussi le dialogue qui vient d'aider le peuple burundais à franchir une nouvelle étape dans la consolidation de la démocratie en adoptant par référendum en date du 17 mai 2018 une constitution qui répond aux exigences du moment dans tous les domaines, y compris l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. Nous restons fermement convaincus que le dialogue permanent, mode de vie quotidienne actuellement, conduira également le peuple burundais vers des élections libres, transparentes et apaisées en 2020. Dans son discours d'ouverture de la dite session, le premier vice-président de la République, Gaston Sidimo, qui a représenté le chef de l'État, a lui aussi exprimé ses préoccupations suite aux sanctions économiques que le Burundi traverse. Mais hélas, il salue le soutien des pays africains à l'endroit des Burundais. Des sanctions économiques injustes ont été imposées à notre pays par des acteurs de cette conspiration, notamment certains membres de l'Union européenne. Heureusement que la majorité des pays africains s'est montrée solidaire avec le peuple burundais. Le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine trouve également que le Burundi a déjà franchi un pas dans la consolidation de la démocratie. C'est pour cette raison que Cipriano Kassama, à la fois président de l'Assemblée nationale guinéenne Bissau, compte plaider pour que les sanctions économiques contre le Burundi soient levées. Ce faisant, comme l'UPA l'a fait pour le Soudan et le Zimbabwe, je voudrais proposer qu'à l'issue de nos travaux, la 72e session du comité exécutif adopte une déclaration, expression de notre solidarité que nous transmettrons à l'Union européenne, à l'Union africaine et à l'ONU. 26 pays sur 40 que compte l'Union parlementaire africaine participent à cette session de 2 jours. Page agriculture, mais en bref, certains cultivateurs du riz des provinces Gitega et Ruyigi se plaignent d'une mauvaise récolte de riz. Ils font savoir qu'au moment de la récolte, ils trouvent que ces cultures de riz se sont séchées. Ils l'ont fait savoir dans l'émission Ariwanyu Havugwamaki de Solandi qui passe à la radio Isanganiro. Ces agriculteurs pensent que cette mauvaise récolte résulterait de la mauvaise qualité des semences et demande au ministère en charge de l'agriculture de prendre en main cette question. Face à ces inquiétudes évoquées par les riziculteurs, Deogi Derulema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a promis de s'exprimer ultérieurement après avoir reçu les rapports des différentes directions provinciales de l'agriculture et de l'élevage. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle de la maladie de la fièvre typhoïde. Selon l'infectiologue Dr Martin Manirakiza, c'est une maladie causée par les bactéries qui entrent dans le sang de l'homme. Il indique que l'on peut guérir de cette maladie si elle est traitée à temps. Il invite tout un chacun à respecter les règles d'hygiène pour se prévenir de cette maladie. La chronique santé avec Khalid Ndaïkéz. La fièvre typhoïde est due à des bactéries qui s'attrapent par les mains qui ont touché des aliments mal lavés. Cela est expliqué par Dr Martin Manilakiza, infectiologue. Il dit que ces bactéries finissent par s'installer dans les intestins. Pour le Dr Manilakiza, la fièvre est un des symptômes de cette maladie. Les symptômes, ils sont variés, mais le maître symptôme, c'est la fièvre. La température du corps va monter jusqu'à 40 degrés durant les premiers jours. Le patient aura aussi des maux de tête. Il aura de la fatigue inhabituelle, il va perdre l'appétit. Au début, il aura une constipation, plus les jours avancent. Et à ce moment-là, on peut avoir une diarrhée, des vomissements. Et surtout, il va être comme quelqu'un qui est en coma et il va parler des choses inhabituelles. Dr Martin Manilakiza précise qu'il peut être remarqué d'autres signes de cette maladie. Il peut y avoir comme une hémorragie digestive, une perforation, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de trou au niveau de l'intestin et qui va entraîner une infection qu'on appelle une péritonite. Et il peut y avoir une atteinte du cœur, une atteinte du cerveau, ce qu'on appelle dans le jargon médical une encéphalite. Pour l'infectiologue Manilakiza, personne n'est à l'abri de la fièvre typhoïde. C'est en premier lieu des gens qui ont une quantité faible d'acide chlorhydrique au niveau de leur estomac. Et aussi, ce sont des gens qui ont une immunité affaiblie comme les enfants ou les sujets âgés. Ce sont aussi les dénutris. Et tout ça survient chez des gens qui ont une hygiène des mains précaire ou qui vivent dans des conditions socio-économiques les plus défavorisées. On peut guérir de cette maladie à condition de la traiter à temps. Docteur Martin Manilakiza. Le traitement est à base des antibiotiques. On peut les avoir ici chez nous au Burundi. C'est la famille des fluoroquinolones. Les Burundais connaissent la ciprofloxacine, le Bactrim. Il y a d'autres antibiotiques. Il peut se remarquer des complications, surtout chez des gens qui ne se fassent pas soigner à temps. C'est surtout l'hémorragie digestive. Il y a aussi la perforation intestinale qui peut entraîner une péritonite. Il peut y avoir une insuffisance cardiaque, une atteinte du cerveau pouvant entraîner la mort. Et tout ça sont des complications qu'on peut avoir. La prévention à l'égard de cette maladie est possible. Dr Martin préconise le respect des règles d'hygiène. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut bien laver les fruits et les légumes, etc. La fièvre typhoïde est une maladie des mains sales, c'est-à-dire quelqu'un qui a la fièvre typhoïde, il a ses bactéries au niveau des matières fécales, c'est-à-dire s'il n'a pas une hygiène correcte de ses mains, il peut la transmettre à d'autres personnes, surtout les personnes avec lesquelles il partage le même toit. Dr Martin Manilakiza, infectiologue, précise qu'ailleurs, il existe un vaccin contre la fièvre typhoïde avec une durée d'efficacité de 3 ans. Merci Alida Naikeza et c'est sur cette chronique qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitewuti pour la mise en onde. Eline Beni Miguel qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Isa.